Voici l'humeur de Guillermo Guiz. Aïe, aïe, aïe. Bonjour les amis. Salut. Ça va ? Ouais, tais-toi. Alors, au risque de briser une carrière qui ne décolle de toute façon pas, la mienne, donc je vais lancer un putain de pavé dans la mare, les amis. Vas-y. Je trouve que Donald Trump, franchement, il est souvent mal avisé, quoi. Voilà. Ouais, tant pis pour vous, mais non, fallait pas me donner la parole à l'heure où le chômage écoute. Ça fait peur. Ah, je suis hors contrôle, je suis Travis Bickle dans Taxi Driver, là je suis Emile dans La Cité de la Peur. Prenez un chewing-gum, Emile. Non, non, je vais rien prendre du tout. D'abord, je vais terminer ce que j'ai à dire. Je crois que Zola, il a pris un chewing-gum avant d'écrire J'accuse. Non, Zola, il avait la laine qu'on avait à l'époque, mais c'était un homme de principe. Alors, je vous le répète, au risque de voir Nagui jeter son petit corps tonique à l'abordage de ma liberté d'expression, c'est trop tard. J'ai passé le Rubicon, Trump. Je suis mitigé. Résistance! Alors là, c'est vrai, il est à fond dans le charbon, vous savez, il y a le pétrole. Il veut abroger une des lois phares de Barack Obama sur les réductions d'émissions de CO2. Que ça nous serve de leçon à tous, quoi. Je veux dire, Barack Obama, ceci, cela, le président le plus cool du monde, et vas-y que Stevie Wonder chante à la maison pour le brunch, et que ma fille connaît personnellement Beyoncé, que j'ai fait 700 000 retweets, ceci, 4 millions de likes, cela. Ok, très bien, mais à la seconde où ce type, il a quitté la Maison Blanche pour aller faire du kitesurf avec des poissons lunes, c'était terminé, Obama, on n'entend plus parler, quoi. Aujourd'hui, il a autant d'influence sur l'Amérique que Philippe Poutou, quoi. Et on a peu de choses, quand même. Ah, non, mais on a peu de choses, ça force l'humilité. Et le problème, c'est même pas que Trump ait décidé de relancer à fond les énergies fossiles. Je salue l'hommage au maréchal. Ah, affirmatif. Et voilà, les énergies fossiles, c'est vrai. Mais le réchauffement climatique, Trump, c'est pas un spécialiste, quoi. Il a entendu parler du truc, mais sans plus, quoi. Pendant que nous, on pleurnichait à fond sur la flonde des glaces et le décollement de la rétine chez les manchots, lui, il faisait du business, quoi. Peut-être pas du goût de Greenpeace, mais aujourd'hui, le mec, il a un avion. Moi, j'ai même pas un passe-navigo, tu vois. Donc, il y a du pour et du contre. En plus, Trump, il a jamais pris personne en traître. On l'a jamais entendu dire dans un meeting Is my dear friend Yannick Jadot says once. Non, il suffisait de lire son programme à la rubrique Je m'en branle de l'environnement pour comprendre l'immensité de Je m'en branle de l'environnement. Il s'est jamais caché dans un buisson pour le faire discrètement comme Daniel Morin, quoi. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'un type comme Trump, il puisse avoir une influence quelconque sur l'avenir de l'espèce humaine en général, quoi. Imaginez que le nouveau président chinois, il se dise un jour, ah ben, je vais faire rouler toutes nos bagnoles au gaz fréon, parce que moi, le trou dans la couche d'ozone, je trouvais qu'il y avait un côté sympa, quoi. Je sais pas, c'est tellement dommage qu'on l'ait rebouché, la lumière passe moins bien et tout, mais c'est vrai. Imaginez en France, il y a une catastrophe nucléaire et après 15, 20 ans, ben, ça commence à devenir cool d'avoir une malformation. Toi, genre, tout le monde, non, mais genre, tout le monde veut un moignon et tout, ah, trop bien ton goitre et tout, ma sœur avait le même. Et dire, voilà, mais non, mais. Et que la France se dise, tiens, on va faire une station de fission nucléaire à ciel ouvert, tous les deux McDo, l'uranium en vente libre et tout, ça va relancer l'emploi des Français. Il faudrait des garde-fous supranationaux pour empêcher ça. D'où mon idée de placer à la tête du monde un gouvernement de sages composé des plus grands scientifiques que l'humanité ait porté. Haroun Taziev, Albert Jacquard, le professeur Schwarzenberg. Et si j'avais des exemples de scientifiques vivants, je vous les donnerais. Honnêtement, croyez-moi, mais vous avez engagé des chroniqueurs qui bossent plus. Hubert Reeves. Oui, voilà, mais c'est pas non, payant. Vivant. Il est en pleine forme, Hubert. Mais je ne sais pas, en payant les gens une croûte de pain qu'Inter aura le dernier carat de la réflexion philosophique, hein, pas vrai, Leïla ? Oui. Mais je m'en veux de vous avoir réveillé, mais voilà, je dis pas qu'Yves Coppens doit fixer le prix du litre de lait et que Jane Goodall doit imaginer le menu de la cantoche de Radio France, mais sur les grands enjeux qui touchent à la perpétuation d'Homo sapiens, j'aimerais bien qu'on consulte un jour ces gens, moi ça me rassurerait, quoi. Et j'en profite pour dire que Donald Trump, j'aime pas ses cheveux. Résistance ! Ouais. Allez, bonne émission. Oh, courageux. France Inter. La bande originale.